Audiomatique. La première pièce de cette transmission 363 d'Audiomatique était l'œuvre du projet français EHB et s'intitulait Fading. Et on la retrouve, cette pièce, sur le mini-album Fragment d'un discours amoureux paru en 2002. Le projet EHB est en fait le pseudonyme d'Emmanuel Hubot, qui faisait partie des groupes Les Tétines Noires et LTNO. Les sonoristes vous proposent maintenant d'écouter Clan of Xymox. À Audiomatic, cette séquence de deux pièces se concluait sur la musique de la formation britannique Spaceman Tree, fondée en 1982 par Pete Kember et Jason Pierce, ce dernier étant également l'âme derrière le projet Spiritualized. Du premier album de Spaceman Tree, paru en 1986 et intitulé Sound of Confusion, nous avons écouté la pièce OD Catastrophe. Et avant Spaceman Tree, nous entendions Clan of Xymox et la version de leur pièce Stranger enregistrée dans le cadre d'une John Peel Session en 1985. Cette pièce se retrouve sur l'album de Clan of Xymox intitulé tout simplement Peel Sessions. C'est avec le groupe français The Absence que les sonoristes concrétisent la suite d'Audiomatic. When the doors I'll be ready to rise to the top. Pour clore ce segment musical à Audiomatique, vous avez entendu le projet français Mimetic Data, mené par Jérôme Souda. De l'album Sensitive, nous vous avons présenté sa composition Schizophrenic. Mentionnons que l'album Sensitive de Mimetic Data est accompagné de l'album Sound A de Mimetic Beat, un autre projet parallèle de Jérôme Souda. Précédemment à Mimetic Data, il s'agissait du duo britannique Atomic Hooligan et la pièce-titre de leur premier album You Are Here, sur laquelle on peut entendre le chanteur Barnaby Wallace, qui se fait également appeler Sweet Hustler. Et pour débuter, nous avions droit à la musique du groupe français The Absence, qui nous interprétait sa chanson Disconnection de son premier album Movie Tones, sorti en 2007. Audiomatique se poursuit sur la musique de la formation The Amorphous Androgynous. Audiomatic, nous venons tout juste d'entendre le projet Alabaster déplumé de l'artiste et saxophoniste Angus Fairbairn et sa pièce The Lucky Ones qui met à contribution le pianiste et claviériste Dan Levers. La pièce apparaît sur l'album To Cyanly Instrumentals Volume 1. Et ce qui ouvrait cette séquence de deux pièces était la composition An Ocean of Regret apparaissant sur l'album The Cartel Volume 2 de la formation The Amorphous Androgynous, qui est en fait un projet parallèle des membres du groupe The Future Sound of London. Nous terminerons cette transmission 363 d'Audiomatic avec le projet français Toires mené par Florian Sériot, qui est accompagné ici de la chanteuse Fatima Moustaïd sur la pièce Nabab, extraite de l'album Sanati, lancé en 2002. Les sonoristes retrouveront la console du studio de C'est Fou 89.1 FM mercredi prochain à 17h afin de proposer leurs choix musicaux en direct sur les ondes radiophoniques dans le cadre de la transmission 364 d'Audiomatic. Les choix musicaux des sonoristes depuis les 7 dernières années peuvent également être entendus à travers les archives d'Audiomatic, accessibles notamment sur nos profils mixcloud.com/audiomatic et facebook.com/audiomatic-CFOU. Voici Toires et la pièce Nabab. C'était Audiomatic avec les sonoristes.